Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran pour le lire et le méditer et le comprendre et afin que ce soit une cause de notre bonheur et afin de le comprendre de la meilleure des façons. Comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous à travers ces versets du Coran et de croire en la véracité de toutes les informations contenues dans ce livre qui comporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a parlé réellement. Et afin qu'on double les efforts dans la conformité et la mise en pratique des ordres d'Allah dans le Coran et aussi dans le délaissement des interdits cités dans le Coran. Quand tu lis le Coran, lis-le en te rappelant que c'est la parole d'Allah qui est adressée à toi. À toi, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il te parle. C'est pour ça que Salaf, il disait, celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui parle, il lit le Coran. Et celui qui veut parler à Allah, il fait salat. Donc, n'oublie jamais ça quand tu lis le Coran. Et toujours ça à l'esprit. Allah, il s'adresse à toi. Même quand tu lis des récits des gens d'avant, Allah, il ne te cite pas cette histoire et ces récits pour passer le temps ou là pour lire tout simplement, pour en tirer profit. Et pour être en garde, si jamais ils ont subi un châtiment, si jamais tu tombes dans la même chose que eux, tu mériteras le même châtiment que eux. Et aussi les récits des gens de Tawhid, et les gens du paradis, comment ils ont obtenu ces degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, il s'adresse à toi. Allah, il s'adresse à toi dans le Coran. Il te parle à toi, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à toi, servant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le devoir du croyant. Dans sa lecture du Coran, il doit s'arrêter avec les ordres et aussi avec les interdits et méditer les sagesses du Coran et récolter les nombreux fruits de ce livre.